Le Gaufret par Paul Bourget. C'est aujourd'hui qu'elle a 30 ans, et ce jour triste, si triste que nul cœur de femme n'y résiste, ce jour où la jeunesse en fleurs nous dit adieu, elle l'a passé seule à regarder son feu. Qui voyait-elle donc? Et le soir l'environne de sa langueur, un soir rose et doré d'automne, elle s'est mise à la fenêtre. Elle a levé le rideau de guipure et longuement rêvé, devant les trois jardins où les feuilles fanées s'envolent comme ont fait ses premières années. Elle est frêle, un peu pâle et blonde, tout en noir. Puis, s'arrachant au charme apaisé du beau soir, elle va prendre un fin coffret en bois d'ébène, tout simple et nu. Sa main distraite s'y promène, comme pour caresser un objet précieux. Un indicible émoi passe au fond de ses yeux, sur sa figure mince et tout à coup rosée. Elle revient s'asseoir auprès de la croisée, et délicatement, elle ouvre ce coffret, intime confident de quelque amer secret. Voici 13 ans, tantôt qu'elle se plaît à faire, en s'en cachant, un tendre, un pieux reliquaire, de ce coffret ancien qui tremble dans ses doigts. Un reliquaire unique au monde. Chaque fois qu'elle a touché la main de la personne aimée, son gant devient pour elle une chose animée, qu'elle ne jetterait qu'avec déchirement. Et ce coffret d'ébène est le cercueil charmant où dorment, seul témoin des heureuses journées, les gants qu'elle a gardés comme des fleurs fanées. Hélas, que ses bonheurs furent courts. Ils sont 3, ses gants, tout imprégnés des parfums d'autrefois. Mais comme elle s'attarde à contempler ces restes des jours évanouis et qui furent célestes, elle les prend tous 3 et songe. Le premier, aigri pâle, couleur d'un matin printanier. Et c'est un clair matin de mai qui lui rappelle du temps qu'on lui disait encore, mademoiselle. C'était dans le grand parc d'un ancien château où des cygnes erraient sur une pièce d'eau, ceinte de marronniers gigantesques. La veille, dans l'effarouchement d'une âme qui s'éveille, elle avait contemplé longuement à l'écart un jeune homme arrivé du jour dont le regard errant ne s'était pas même posé sur elle. On avait voulu faire un tour sur la nacelle, et pour entrer et pour sortir, elle avait dû poser sa main, avec quel frisson éperdu, sur la main du jeune homme. Au-dessus d'eux, les branches remuaient dans le ciel leurs fleurs roses et blanches. L'eau de l'étang luisait au soleil et tremblait, sous le sillage lent du léger batelet, où riaient et chantaient 4 de ses amis. Une est vivante et les 3 autres endormies du sommeil éternel et glacé du tombeau. Lui ramait, ses cheveux voilaient son front si beau. Leur mère attendait assise sous un arbre. Un jet d'eau palpitait dans sa basque de marbre. Puis le jeune homme était parti le lendemain. Mais le gant qui toucha ce matin-là sa main, elle le mit dans son coffret le matin même. Si pure, sans qu'elle eût osé dire « j'aime ». Le second est un gant de bal, long, fin et blanc. Certes, elle était bien loin de tout désir troublant. Le soir qu'elle l'a mis pour aller dans le monde, ce gant qu'elle regarde avec une profonde et folle émotion. Elle avait 27 ans. Elle était mariée et mère dès longtemps. Oui, mariée avec un autre et résignée. Elle ne luttait pas contre sa destinée. Elle estimait celui dont elle avait le nom, à conserver intact, mais l'aimait-elle? Non. Le temps coulait si calme, et pourtant une image, parfois dans ses yeux bleus, passait comme un nuage. Le jeune homme entrevu dans sa jeunesse, un jour, apparaissait sublime Était-ce de l'amour? Rêveuse, elle disait, pourquoi chasser ce rêve? Il était loin, sur mer, traînant de grève en grève une existence oisive, en proie aux vagues ennuis. Savait-il seulement qu'elle songea à lui? Or, ce soir, en entrant au bal et stupéfaite, elle aperçut parmi les habits noirs la tête de celui qu'elle avait aimé sans qu'il sût rien, et lui-même la vit et la reconnut bien. Il lui parla, quel rêve! Ils dansèrent ensemble. Cette main qui tremblait, comme un rossignol tremble dans la main d'un enfant, il la tint dans ses doigts. Elle sut commander à ses yeux d'être froid, à son sein de se taire, et pourtant, comme folle, elle écoutait le son chéri de sa parole. Elle le trouva triste et vieilli. Mais quels yeux d'homme, sachant la vie, ardent, mystérieux, lassé, et plus troublant pour cette femme aimante, parce qu'elle y lisait qu'il la trouvait charmante. Car elle lui plaisait tellement qu'elle eut peur. Elle se défia de son malheureux cœur, et quelques jours après ce bal, toute inquiète, elle quitta Paris. Mais dans cette retraite, elle emportait, au fond de son coffret fermé, comme un trésor, son gant étroit et parfumé. Ce gant, touché par lui dans cette heure amolie, par la musique lente et sa mélancolie. Elle a pris le dernier de ses gants, un gant noir, et qu'elle avait encore à sa main l'autre soir. Longtemps elle le presse en un chagrin farouche, ce petit gant de deuil sur sa tremblante bouche. Elle est libre. Son fils et son mari sont morts. Elle a souvent, malgré ses intimes remords, souhaité de revoir un jour celui qu'elle aime, car elle l'aime, avec une pudeur suprême, maintenant qu'elle sait le nom du sentiment qui fait bondir son cœur, rester pur, follement. Or, l'autre soir, c'était chez une vieille dame, des rares qu'elle voit dans son deuil. Une femme, belle et jeune, est entrée, et près d'elle, celui dont l'image hanta si longtemps son ennui. Il était marié depuis 6 mois, mais elle, taciturne et sortant si peu, cette nouvelle n'avait jamais franchi le solitaire seuil de la maison déserte où l'enferme son deuil. Ah, son cœur se révolte à la fin et jalouse, comme elle a détaillé des yeux la jeune épouse, et comme, en lui trouvant un délicieux air de grâce et de gaieté pudique, elle a souffert. Mais non, elle rougit de cette jalousie, puisque du moins, auprès de la femme choisie, il a, lui, le sourire ouvert des amoureux, si tendre qu'ils se font pardonner d'être heureux. Donc, elle s'est forcée à causer sans envie. Elle a voulu savoir les choses de leur vie. Et comme s'il avait deviné tout cela, cet homme qu'elle aimait à mourir, quand il a, près de partir, touché sa main, sans rien lui dire, a laissé son regard démentir son sourire. Que regrettait-il donc tout bas, puisqu'il avait toujours vécu si loin de celle qui rêvait à lui, dans la clarté des soirs mélancoliques? Elle n'ose y penser. Mais parmi ses reliques, elle a placé ce gant de deuil du dernier soir. Voici qu'elle le met à ses doigts, ce gant noir, puis elle l'ôte, avec une lenteur distraite. La nuit tombe, mêlant à ce qu'elle regrette et qu'elle n'a pas eu, le charme attendrissant, d'un silence infini comme un bonheur absent. Elle songe au hasard douloureux de ce monde, à sa vie, à celui que son âme profonde a si secrètement et si longtemps aimé. Et c'est en sanglotant, tout haut, qu'elle a fermé ce reliquaire étroit de sa joie oubliée, ce coffret où manquait son gant de mariée. Ainsi s'achève Le coffret par Paul Bourget.